Alright, bienvenue à notre monde. Vous êtes sur la chanson marchant au micro. Chers auditeurs, vous êtes de retour dans votre cyber-revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginat et je serai avec vous pour la prochaine heure et demie sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Nous en sommes à l'édition du 30 septembre 2010. Alors, c'est terminé maintenant pour le mois de septembre. On entame l'automne officiellement. Alors, voilà. Cette semaine, nous allons faire un petit topo de l'économie. On va ensuite donner les dernières nouvelles sur le dossier BP. On va suivre ça de très près pour vous. Alors, on va essayer de rapporter à chaque semaine là, les nouvelles les plus importantes concernant ces deux dossiers très chauds qu'on doit suivre. L'économie risque de s'effondrer d'ici la fin de l'automne et peut-être le début de l'hiver. Alors, on va garder le pouls sur ça pour vous. Alors, pour les gens là, qui vous disent que la meilleure place pour avoir les nouvelles sur l'économie, c'est à la télévision, dans les journaux, eh bien, vous vous rendez compte que ces supposés experts, ces gourous, ces chamans de l'économie ne vous informent pas. Ils ne font que vous désinformer, vous faire accroire avec des gros mots très compliqués, un langage que seuls les financiers, puis... Les boursicoteurs connaissent. Alors, on essaye tout le temps là, de vous impressionner avec des gros mots. Hein, et puis, finalement, c'est assez simple, l'économie. Il faut comprendre comment que ça fonctionne. Et puis, à ce moment-là, vous allez être en mesure de pouvoir tirer votre épingle du jeu d'une façon beaucoup plus adéquate que si vous n'aviez pas toute l'information, si vous ne compreniez pas le cœur du système, de son fonctionnement. Donc, on va parler de ce sujet-là de façon assez constante. Ensuite, on va avoir l'actualité mondiale. Il y a plusieurs choses à parler de ça. On va parler de la flottille de la liberté, des développements avec Israël. On va parler aussi d'économies diverses, 9-1-1 un peu, Mardi Najad qui est passé à l'ONU, alors un paquet de trucs comme ça. Et aussi, on va se pencher sur le cas de l'Iran, un peu du Moyen-Orient dans cette région-là, mais surtout de l'Iran, Israël, le nucléaire, les préparatifs américano-israéliens d'une agression de l'Iran. Ça devrait être suffisant là pour remplir l'émission. Donc, on va commencer immédiatement avec les nouvelles de l'économie. Alors, cette semaine, très grosse nouvelle. Vous savez, ça fait déjà quelques semaines que je vous en parle. C'est pas quelques mois. Les prix des métaux précieux est manipulé. Je devrais dire les prix, si on parle, parce qu'il y a plusieurs métaux précieux, donc sont manipulés. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on a vendu de 45 à 100 fois plus d'or qu'il n'en existe réellement. Même situation pour l'argent. Alors, on peut s'attendre à des hausses fulgurantes des cours des métaux précieux dans les prochains temps à venir. Alors, ça aussi, là, c'est de quoi, là, qui est très important. Ceux qui possèdent des métaux précieux physiques, alors, si vous possédez vraiment, là, ces métaux-là à la maison, enterrés dans le jardin ou dans un coffre-fort de sécurité, peu importe, là, c'est ces personnes-là qui vont voir la valeur de leurs métaux précieux monter de façon fulgurante. Là, on n'a rien vu encore, là, comme je vous parlais dans l'émission précédente ou deux émissions. On s'attend à ce que l'or atteigne au moins les 1 500 $ américains l'once, et ça pourrait facilement aller, à mon avis, là, à quelques milliers de dollars. Là, on pourrait dire 3, 4, 5 000 $. Et si on s'en fie réellement au ratio à lequel les métaux précieux ont été survendus, ça pourrait monter là à 45 000 jusqu'à 100 000 l'once, imaginez, là. Je pense pas que ça va arriver, mais actuellement là, c'est ce qui se passe. En réalité, c'est pas tant les prix de l'or qui augmentent, hein, c'est vraiment là les monnaies de papier qui perdent sa valeur parce qu'on monétise la dette, on imprime de l'argent comme de l'eau. Alors, c'est évident qu'à ce moment-là, on fait descendre la valeur générale de la masse monétaire, en fait, du dollar unique, de l'unité de monnaie, peu importe dans le pays dans lequel vous vivez. Donc, ça, c'est de quoi très important à avoir à la tête. Et puis, ça l'explique aussi, l'inflation. C'est de là que l'inflation prend tout son sens et son explication. C'est-à-dire que c'est pas que le prix des matériaux et des choses coûte plus cher. C'est pas du tout ça, chers auditeurs. C'est réellement dû à la quantité d'argent, de la grandeur, de la grosseur de la masse monétaire. Et puis en ce moment, ben, ce qu'on fait, c'est que on imprime énormément de ces dollars-là. Et puis le pire, c'est qu'on a donné cet argent-là des plans de sauvetage et puis tout le tralala, là, aux banquiers privés, aux gens de Wall Street, à l'Est de Londres, et puis cet argent-là a été gardé par ces grands banquiers-là. Donc, en réalité, on diminue la valeur de chaque unité de monnaie que vous possédez. On parle de la monnaie de papier, la monnaie électronique. Et ce qui arrive, c'est à ce moment-là, vous retrouvez, premièrement, vous appauvrir, et puis ce qui arrive, c'est qu'évidemment, ben, vous avez besoin de donner plus de ces billets de papier-là pour acheter le même produit. Okay? Donc, c'est en réalité, c'est vraiment ça qui se passe. Et puis là, cette semaine, on apprend du Financial Times, qui est quand même un journal respectable dans le domaine financier, là. J'ai des auditeurs qui m'écrivent comment ça se fait que tu cites le Financial Times, il me semble qu'il travaille pour l'ennemi. Écoutez, c'est sûr que le Financial Times, là, c'est le journal de Wall Street, là. Okay? Donc, on s'entend. Ce qui est intéressant de ces journaux-là, c'est de voir de quoi ils parlent, pareil. Tu comprends? Donc, c'est ça qui est la clé là-dedans, c'est de lire entre les lignes, de voir eux autres. Le Financial Times, ils se cachent pas réellement, là, ils vont vous dire là, ce qui se passe, les gros mouvements d'argent et tout, et puis on en apprend des maudites bonnes là-dedans, là. Donc là, on apprend quoi cette semaine? Bon, on apprend que les banques centrales européennes vont cesser leur vente d'or. Ça, vous allez voir, là, cette semaine, là, on a passé le seuil des 1 300 $ l'once. Et puis, ce n'est que le début. Okay? Là, vous avez cette année, je crois que l'année passée aussi, c'était le cas, les acheteurs nets, les plus gros acheteurs d'or, de métaux précieux dans le monde, sont les banques centrales. Okay? Ce n'est pas Joe Blow qui hallucine, qui paranoïe sur l'économie puis tout, là. C'est des banques centrales. Okay? Donc, les banques centrales, ils savent ce qu'ils font. Et puis, vous savez, ces gens-là, ils sont très conscients de ce qui se passe. Je veux dire, c'est sûr qu'ils sont contents. Ils sont conscients et contents, oui. Pourquoi? Parce que c'est ces gens-là qui ont, en fait, parti cette crise financière-là, qui l'ont ingénérée, qui l'ont causée. C'est des moments où la classe moyenne, en général, s'appauvrit de façon drastique. Les gens perdent leur maison, perdent leur emploi. Il y a beaucoup de personnes de la population qui s'appauvrissent. Mais vous devez comprendre que ces crises-là sont cycliques et elles ne sont pas cycliques là, par hasard. Elles sont cycliques parce que le système financier, le système bancaire, il est façonné pour faire en sorte que en imprimant plus de billets de dollars, parce que les banques centrales, vous savez, ils sont contrôlés par des banquiers privés. Alors, vous voyez un peu là, les intérêts, les motivations qui peuvent pousser ces gens-là. C'est évidemment le profit. Ces gens-là contrôlent l'économie au complet parce qu'ils contrôlent la création de la monnaie, de l'argent. OK? Donc, le gouvernement, mettons que le gouvernement canadien a besoin de 100 millions de dollars, il se retourne vers les banquiers privés, la banque centrale. Et puis, la Banque centrale dit, ben, c'est bien parfait, on va vous imprimer 100 millions de dollars, vous donner les garanties collatéraux en échange, aucun problème, sauf que au lieu de, vous savez, imprimer des billets de 100 dollars, par exemple, là, ça coûte pas 100 dollars pour imprimer un billet de 100 dollars, hein, ça coûte quelques sous, là, peut-être au pire 1 dollar pour produire 1 dollar, un billet de 100 dollars, vous comprenez? Alors, le gouvernement du Canada, lui, il achète pas les billets de papier à 1 dollar et le coût d'imprimerie. Lui, il achète ça, le gouvernement américain, il achète le billet de papier, là, il paye 100 millions de dollars et puis on doit les rembourser en plus avec des intérêts composés. Donc, vous voyez un peu là l'absurdité de tout ça. Et puis, évidemment, que quand les banquiers privés décident d'en imprimer plus, eh bien, à ce moment-là, ils créent un boom économique. Parce que là, imprimer de l'argent, c'est en fait un système basé sur la dette. Ça veut dire qu'il y a plus d'argent plus de gens qui s'endettent. Et puis, quand on crée une dette, quand on emprunte de l'argent à la banque, eh bien, cet argent-là, c'est un peu comme un casino. Les banquiers privés, ils l'impriment en plus dans le système. Sauf que vous devez rembourser cet argent-là plus les intérêts. Donc, vous êtes conscient qu'en fin de ligne, si la Banque centrale émet 100 millions de dollars, il faut que nous, en tant que pays, le Canada, puis donc les payeurs de taxes, on rembourse ce montant de 100 millions plus les intérêts. Donc, en fin de ligne, un coup qu'on a remboursé ce prêt-là, on a soustrait de l'argent de la masse monétaire totale. C'est vraiment ça, c'est vraiment un système en pyramide. C'est-à-dire que pour que le système continue à fonctionner, il faut créer de plus en plus de dettes dans le système. Donc, c'est vraiment un système qui est basé sur la dette. Et puis, on est rendu à un point tellement extrême que là, vous avez la Fed aux États-Unis qui monétarise la dette. C'est-à-dire, on n'arrive même plus là à payer et puis à fournir. Il n'y a plus assez de personnes pour acheter les bons du Trésor puis la dette américaine. Alors là, on monétise la dette. Donc, c'est un grave problème. Et puis là, les banques centrales, ce n'est pas des folles. Ils savent bien que, y a un autre tsunami qui s'en vient, un tsunami immense dans l'économie qui s'en vient, un gros crash, un effondrement assez important, là. Vous avez les banques qui font faillite. Vous avez la bulle commerciale des hypothèques de la bulle commerciale qui est en train d'éclater. Je veux dire, les indices de consommation sont à la baisse. Ça va vraiment pas bien. Et puis là, ben, vous avez les banques centrales européennes qui vont cesser de vendre de l'or. Alors, vous savez, vous pouvez extrapoler et puis essayer d'imaginer ce qui va arriver avec le cours des prix des métaux précieux. Alors, regardez bien ça monter. Donc, très grosse nouvelle. Ici, on a Sa Royauté, la très honorable reine d'Angleterre. J'utilise les beaux termes parce que j'aime autant être poli, parce que sinon je vais utiliser des termes très impolis. Alors, aussi bien de garder un certain niveau, une certaine classe ici, à l'autre monde. Alors, la reine d'Angleterre qui apparemment a de la misère à chauffer son palais. Eh oui, c'est vrai que ça coûte cher, ça, le palais de Buckingham. C'est bien spécial. Alors, vous savez, en Angleterre, on a des fonds. On a un fonds de 60 millions de livres sterling qui servent à aider les gens qui ont de très bas revenus, des familles qui ont des salaires très bas. Alors, on a un fonds pour aider ces gens-là à se chauffer l'hiver. Donc, les pauvres, quoi, les personnes qui sont un peu démunies. Et puis, ben, la reine, elle, vous savez, elle est démunie, la reine, là, je veux dire, de la misère, ils ont de la misère à arriver, ces gens-là, ça coûte cher être une reine, là. Arrêtez de rire de ça, chers auditeurs. C'est pas drôle d'être une reine. C'est quatre choses, là. Je veux dire, il n'y a personne qui voudrait faire ça. Hein? Bien là, la reine a demandé au ministre anglais de recevoir une partie de cet argent d'aide financière à la pauvreté pour l'aider à chauffer son palace. Eh bien. Elle est obligée d'essuyer un refus parce que là, vous avez certains ministres qui ont regardé ça puis ont dit, écoutez, ça risque de créer un certain désastre de relations publiques. Peut-être que vous devriez repenser à ça, Madame la très honorable reine, Sa Royauté, Votre Altesse, parce qu'à un moment donné, c'est de l'argent qui est censé être acheminé vers les gens qui en ont besoin, peut-être pas vous, Madame la reine. Donc, une petite nouvelle assez particulière ici que j'avais le goût de vous glisser. Une autre nouvelle ici, on apprend 19 faits au sujet de la déindustrialisation des États-Unis. Alors, je ne vais pas vous lire les 19 points, mais vous en avez certains qui sont assez intéressants que je vais vous passer ici. Je vous invite à aller lire l'article qui est pour les nouveaux venus ici sur l'émission. Bienvenue, si c'est la première fois. Vous savez, c'est une émission documentée, alors tous les documents, les nouvelles dont je parle se retrouvent sur mon blog personnel, Les Nouvelles Internationales. Alors, allez là, à chaque semaine, vous allez retrouver, suite à l'émission, la journée même ou la journée d'après, vous allez retrouver les liens vers toutes ces nouvelles que je retrouve, que je glane sur Internet. OK? Alors, à 19 ans, voici le premier. Les États-Unis ont perdu approximativement 42 400 manufactures depuis 2001. Alors, ça commence à être assez clair. Maintenant, on comprend pourquoi que les États-Unis ont complètement perdu leur base industrielle. Après ça, on se demande pourquoi que l'économie ne fonctionne pas. C'est bien certain. On vient d'éliminer combien de centaines de milliers d'emplois? On a tout simplement exporté l'emploi dans des pays pauvres, alors on peut avoir les bas salaires, hein, exploiter les gens dans ces industries où les jeunes, même les enfants, sont obligés de travailler 18 heures par jour. Et puis là, pendant ce temps-là, après ça, on réimporte ces produits-là à l'intérieur des États-Unis à très bas prix, hein, le coûtant est très bas, mais on le vend au prix normal sur le marché. Donc là, les marchands sont tout fous de ça, les autres font un profit incroyable. Après ça, on se demande pourquoi que les gens ont de la misère à payer leur hypothèque. Après ça, pourquoi que les gens ont de la misère à repayer leurs dettes? Ben, c'est bien certain, on a exporté les emplois, les emplois manufacturiers. Alors, on parle ici là, de 75% de ces manufactures employaient au-dessus de 500 personnes quand qu'elles étaient encore en opération, vous imaginez? En point numéro 4, on disait qu'en 2008, vous avez 1,2 milliard de téléphones cellulaires qui ont été vendus à l'échelle de la planète. Et combien ont été construits aux États-Unis? Combien de ces 1,2 milliard de téléphones cellulaires ont été montés, assemblés aux États-Unis? Le chiffre est, vous avez un chiffre en tête? OK, voici la réponse. Zéro. Zéro. Alors, comment ça se fait qu'un pays comme les États-Unis ne produisent pas de téléphones cellulaires. Imaginez, c'est assez troublant pareil. Point numéro 7, les États-Unis ont perdu au total environ 5,5 millions d'emplois manufacturiers depuis octobre 2000. Alors, vous avez le chiffre ici, là, on parlait de plusieurs centaines de milliers. Écoutez, là, c'est 5,5 millions de pertes d'emplois depuis 10 ans. Le point numéro 11, en calculant à partir de la fin de 2009, vous avez moins de 12 millions d'Américains qui ont travaillé dans une manufacture. OK? La dernière fois qu'on a eu moins de 12 millions d'Américains qui ont été employés dans une manufacture, on remonte à 1941, juste après la Grande Dépression, le début de la Deuxième Guerre mondiale. OK? Ça va bien aux États-Unis, l'économie. Numéro 13, les États-Unis ont perdu un gros 32% de tous ses emplois manufacturiers depuis l'an 2000. 32%, le tiers, boum. Point 19, vous avez le Bureau des statistiques du recensement des États-Unis qui dit qu'on a 43,6 millions d'Américains qui vivent maintenant sous le seuil de la pauvreté et puis que ceci est le plus haut nombre d'Américains pauvres, de pauvreté aux États-Unis qu'on a eu en 51 ans depuis qu'on a commencé à faire des recensements puis à colliger ces statistiques. Alors, c'est pas des farces quand je vous dis là, que l'économie s'en va dans le champ. Obama qui endosse les taxes globales lors du sommet de l'ONU. Alors ça s'est déroulé la semaine passée entre le 20 et le 22 septembre. Okay, alors, on va en reparler un peu plus loin aussi dans l'émission. Il s'est passé des affaires spéciales, dont Mardi Nejad qui a déclaré que le 9-1 avait été organisé par les États-Unis, entre autres. Ça aussi, ça a fait de quoi? Ça a brassé. Ça a été pas mal un gros powwow. Ça a brassé pas mal là, au sommet des Nations Unies. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Ben, écoutez, là, rapidement, je vous invite à lire l'article, là, mais très, très rapidement, c'est que vous avez le président Obama qui, lors des Nations Unies, lors du sommet des Nations Unies, a endossé un mécanisme de finance innovateur et qui se retrouve, en fait, écoutez, c'est un euphémisme total, là, je veux dire, ce que ça veut dire, c'est un système de taxes globales pour drainer encore plus de richesses des États-Unis. Alors, faut venir succionner, retirer, drainer plus d'argent de l'économie américaine. Et puis là, vous savez, les gens comme Obama ne sont pas là pour aider, hein? Alors, on a un document qui a été présenté et puis on apprend que, ben, c'est ça, là, vous avez ce système-là qui va faire en sorte, on appelle ça the Force of on International Financial Transactions of Development, qui a pour sujet de mobiliser des ressources additionnelles pour des pays pauvres. Okay? Donc, on veut aller chercher de l'argent d'une place, le redistribuer ailleurs. Alors, ça, c'est vraiment le plan du Nouvel Ordre mondial. Finalement, on est en train de remettre les structures, le pouvoir de la souveraineté, en réalité, la souveraineté nationale, entre les mains des corps internationaux comme les Nations unies. Alors, voilà. Ensuite, vous avez ici une autre nouvelle où on apprend que les banquiers sont en train de faire une méchante inflation on pourrait appeler ça une nouvelle bulle de la nourriture. Alors, on a eu des différentes bulles économiques, là, hein, on a eu la bulle du net, du dot-com, hein, vous avez la bulle des produits dérivés, alors la bulle des hypothèques, des subprimes, là, qui a éclaté en 2008. Là, on est en train d'assister à un autre. Vous savez, ces gens-là, ils vivent de même. Ils vivent d'une bulle à une autre. Hein? Donc, on s'en prend à peu près n'importe quoi. Sauf que là, on s'en prend à la nourriture. Hein? Donc, on a fait ça il y a une couple d'années, à peu près 2 ans. On a joué avec les prix comme ça, de la grosse spéculation dans les marchés des produits de la nourriture. Et puis là, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve littéralement quelques semaines plus tard dans des pays un peu moins bien nantis. On parle d'Asie, Afrique, Amérique du Sud. On se retrouve avec des places où littéralement, là, vous avez des gens qui sont plus capables d'acheter du riz, là, tu sais, le riz a doublé, il a triplé de prix, et puis les gens ont à peine de l'argent pour s'acheter une poche de riz pour la semaine. OK? Donc, là, ces gens-là, ces banquiers-là sont en train de revenir là-dessus, commencent à enfler les prix de la nourriture. Et puis là, vous avez les Nations Unies qui ont offert, eux, de leur côté, leur solution déjà toute préparée. Alors, on parle ici encore du fameux mécanisme problème-réaction-solution, une méthodologie infaillible. Donc, on crée une crise de la nourriture. Et puis là, vous avez les Nations Unies qui arrivent à bon, on a une super solution pour vous autres, là. Écoutez, on a une solution de gouvernance globale. Regardez, on a des nouveaux modèles pour vous aider, c'est fantastique. Alors, nous autres, on va arriver, hein, donc maintenant que le public va être enragé à cause du prix faramineux de plusieurs items de nourriture, eh bien là, vous avez ces globalistes qui vont se pointer, ils vont dire, écoutez, on a des solutions pour vous autres, on va réguler ça pour vous autres. Alors que c'est eux qui créent la crise en premier lieu pour en profiter par après. Donc, écoutez, ah, puis en chemin, mais ils vous demandent plus de pouvoir. Ah, ben, écoutez, hey, t'as juste une poignée dans le dos, moi. OK. Alors, dernière nouvelle de l'économie, ici, ça vient du Washington Post où on apprend que les transferts d'argent pourraient faire face à une scrutinité antiterroriste. Alors, c'est l'administration Obama qui a demandé, en fait, c'est une requête pour faire en sorte que les banques américaines reportent toutes les transactions d'argent électronique à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Alors, on parle ici d'une expansion dramatique des efforts pour essayer de contrevenir, pour contrer le financement terroriste et puis le blanchiment d'argent. Alors, ça, c'est tout le temps, évidemment, les belles valeurs qu'on met de l'avant pour essayer de vous faire pleurer, verser une larme, dire, mon Dieu, hey, ils veulent nous aider, ils sont là, tu sais, pour travailler contre la corruption, alors que c'est eux autres qui sont la pire corruption, qui sont la définition même de la corruption, la mafia la plus incroyable que la planète a jamais connue. Et puis, après ça, ils disent que, écoutez, c'est comme le loup qui est censé surveiller les brebis, là. Tu sais, c'est vraiment l'analogie parfaite. Okay? Alors, non seulement ça, mais en plus, c'est vraiment un pouvoir dictatorial incroyable. Alors, le gouvernement qui veut vraiment tout voir, combien que les gens se transfèrent de l'argent, tout contrôler, des vrais control freaks, là, vous comprenez? C'est là qu'on en est rendu, là. Donc, en même temps, ben, à ce moment-là, eux autres, là, quand ils voient de quoi ils font pas leur affaire, ou ben non, oups, il y a peut-être des transferts d'argent qui sont, tu sais, des informations particulières qui sont privées, qui ne devraient pas savoir que là, ils ont accès à laquelle ils ont accès, puis après ça, ils peuvent agir de façon illégale, vous savez que ça, en faisant des différentes manipulations sur les marchés boursiers ou quoi que ce soit. Donc, voilà pour les nouvelles de l'économie, puis on va y aller avec une petite parenthèse de BP, là, ça brasse aussi de ce côté-là. Vous avez la CDC aux États-Unis, le c'est quoi, le Center for Disease Control, qui a fait un sondage des résidents qui habitent dans la région du Golfe du Mexique, qui ont trouvé que 50% des maisonnées font l'expérience de problèmes respiratoires, qui ont eu des problèmes respiratoires ces derniers 30 jours. On a vu des nouvelles cette semaine être publiées que les gens vomissent du sang, les gens ont des problèmes assez des problèmes assez sérieux de santé divers. OK, alors écoutez, là, on parle même des répondants ici de ce sondage-là qui disent avoir rencontré des problèmes physiques ou même mentaux dans les jours, dans les derniers jours, OK? Donc, vous savez, beaucoup plus en tout cas que les derniers sondages. On dit aussi, en fait, le sondage révèle la prévalence de la qualité de vie négative, hein, qui est affectée, évidemment, des symptômes de dépression. Les gens sont anxieux. Donc, vous savez, là, c'est certain que aussi la santé mentale de ces personnes-là est affectée. Les gens ont perdu leurs moyens de subsistance, carrément, là. Il y a des gens qui ont fait ça pendant 60 ans, là, être pêcheurs et puis vivre de la pêche. Et puis là, ils se retrouvent sans emploi, à la merci du système BP qui, évidemment, ne va pas régler la situation, ne va pas aider ces gens-là dans la mesure où ils le mériteraient. Alors, ça a des conséquences à long terme, ça c'est certain. Vous avez BP aussi qui a mis fin à ses opérations de nettoyage dans le golfe du Mexique. Alors, BP vient de se laver les mains, zip-zap. Alors, pour eux autres, là, c'est terminé. On a renvoyé tous les employés qui étaient engagés pour le nettoyage. Zip-zap, ça a été annoncé même sur leur site Internet officiel. Donc, on a cessé, on a mis fin aux opérations de nettoyage même sur les plages. Donc, organisez-vous avec vos problèmes. D'autres, c'est terminé. Le gaz pour eux autres, là, il est disparu. Donc, on a apparemment, là, colmaté la fuite, même si on a deux puits qu'on ne parle jamais. On ne sait même pas lequel des deux puits a été colmaté. S'il y en a encore un qui fuit ou pas. On patauge dans le noir, dans l'obscurité totale. Et puis, ces gens-là se retirent, se félicitent, se serrent la main, se donnent une tape dans le dos, se disent, hey, écoutez, c'est fantastique, là, nous autres, on a fini notre job, OK, bye, ciao! Là, ça se pousse. OK. Donc, voyez, là, ça, c'est un développement honteux. C'est pour ça que je vous disais en début d'émission qu'on va suivre ça, parce que c'est un dossier absolument incroyable et puis qui révèle à quel point la culture, je dirais, la culture capitaliste, la culture corporative est complètement pourrue, corrompue, gangrénée, je veux dire, pourrie à l'os. Je veux dire, plus rien à faire avec ça, c'est incroyable. On ne vise que les profits, puis la santé des gens, l'environnement. Tout le reste, quoi, je veux dire, pour eux autres, ça leur est absolument égal. Je veux dire, ils n'en ont rien à foutre, mais absolument rien à foutre. On a une nouvelle ici qui parle de plus d'évidence qu'ils ont encore de ce pétrole-là qui se déplace dans l'océan, le long des côtes américaines. Et puis là, ici, on parle de certaines traces de pétrole qu'on a retrouvées dans le coin du New Jersey, du Massachusetts. Alors, New Jersey, Massachusetts, dans le coin de New York, là, c'est pas mal haut, dans le nord de la côte est, OK? Alors, voyez, là, on a même retrouvé aussi des quantités de poissons morts. Alors, ça continue, des oiseaux complètement immergés dans le pétrole. Donc, même des jellyfish qui ont été retrouvés avec du pétrole aussi. Alors, ben oui, c'est rendu là, le pétrole est rendu jusque là. Vous avez un autre article sur lequel on apprend qu'on a trouvé des quantités de pétrole. On parle de 173 parties par million de pétrole qui ont été trouvées dans des échantillons de sable qu'on a recueillis sur les plages de la Floride dans le sud-ouest, qui avaient des niveaux toxiques assez élevés, OK? Donc, réellement, là, ça dépasse les limites, là. On parle des limites normalement de 2 mg par kilogramme, et puis là, on est à 173 mg par kilogramme. Donc, vous voyez que les niveaux sont extrêmement concentrés, là. C'est une situation qui est loin d'être terminée, mais BP, elle, a plié bagage, c'est terminé, on a fait notre job. Anyway, on a ici un officiel local, là, qui a émis un rapport qui dit que BP continue à déployer du dispersant chimique alors qu'ils avaient affirmé avoir complètement cessé. On utilise même des avions le soir, la nuit, sans les lumières, et puis des bateaux aussi qui continuent d'utiliser du Corexit. Alors, le Corexit qui est plus toxique même que le pétrole lui-même, qui entraîne des problèmes de santé assez graves. Alors, allez voir tous les liens là-dessus. Vous avez un autre membre d'une équipe de BP qui a été diagnostiqué avec un empoisonnement au benzène. Okay? Alors, ça, c'est un travailleur de 35 ans qui est tombé gravement malade à cause d'avoir été exposé au benzène. Alors, ça, c'est même affirmé par les docteurs qui disent que cette personne-là, écoutez, là, est gravement malade, là. Je veux dire, elle va avoir des choses à faire, là, si elle ne veut même pas, si elle ne veut pas décéder. Okay? C'est une autre nouvelle incroyable, le benzène qui est complètement invisible, un gaz dans l'air, et puis les gens s'en rendent pas compte, ça sent pas très bon, mais extrêmement toxique, extrêmement toxique. Ensuite, on a un article ici qui parle, ça vient d'un chercheur qui revient du golfe du Mexique et qui a déclaré que la chaîne alimentaire est menacée dans le golfe du Mexique, la chaîne alimentaire au complet. Parle ici d'huile qui pourrait être cachée même à l'intérieur des corps de plusieurs mammifères marins. Donc, mammifères marins, même les plus gros, on parle des baleines aussi. On parle aussi de plancton qui a été qui est décoloré. Donc, vous voyez là, c'est vraiment pas être rose là, ce qui se passe. Donc, vous avez aussi des mercenaires de BP qui sont habillés en habits de combat, qui aussi ont été pris à utiliser, à disperser du Corexit. Alors, vous avez des photos, allez voir. Exclusif, c'est quoi ici les dispersants chimiques qui contiennent des éléments cancérigènes. Alors, un autre article sur la toxicité du Corexit. Ensuite, vous avez la NOAA, on l'appelle aux États-Unis, le coordinateur de la NOAA, Gary Hutt, qui a démontré des expériences là, de sciences de base, comme quoi que le déversement de pétrole et puis son nettoyage sur les côtes de la Louisiane n'était pas un problème très sérieux. Alors, vous avez même ces gens-là, la NOAA, c'est une agence gouvernementale, OK, climatique, là, donc c'est assez incroyable. Là, on arrive dans les écoles, puis on veut pas que les jeunes s'inquiètent, on veut rassurer la population. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur laver le cerveau. Alors, on arrive avec un aquarium là, rempli avec de l'eau du golfe du Mexique et puis de l'huile là pour de l'huile à cuisson, OK. Puis là, on mélange ça avec de la poudre de cocoa. Et puis là, on dit que ça représente le déversement de pétrole de BP. Et puis là, on assure les enfants là que on dit, écoutez, là, les fruits de mer, là, ils sont sécuritaires. Ne vous pas en manger, là. T'sais. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Alors, là, il a fait cette petite démonstration sur son aquarium, puis de la poudre de cacao, puis de l'huile à cuisiner dans son aquarium rempli d'eau. Puis là, regardez ça, les enfants. Il a fait un tour de magie, puis il dit, regardez. Là, hein, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça, c'est comme le pétrole dans le golfe du Mexique. Ah, les gens s'en font pour rien avec ça. Hein, les enfants? Donc, allez retourner à la maison, lâchez les papa et maman pour aller au restaurant et puis commander du homard, commander des crevettes puis du poisson du golfe du Mexique. C'est bon pour vous. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. OK? De toute façon, on a déclaré de la part du gouvernement que le pétrole avait disparu à 75 %. Aucun problème. Hein? Alors que maintenant, vous avez ces gens-là qui ont été obligés de se compromettre et puis finalement d'admettre qu'en réalité, il reste 75 % du pétrole et même plus dans le golfe du Mexique, de 75 à 85 % du pétrole est encore dans le golfe du Mexique. Mais c'est pas grave, BP a arrêté les opérations de nettoyage. C'est réglé. Il n'y en a pas de trouble. Hein? On essaye de limiter les poursuites judiciaires contre BP en essayant de faire à croire aux enfants que les fruits de mer, ils sont sécuritaires. Il n'y a pas de problème. Ils sont comestibles. Incroyable, absolument débile. Ensuite, dans une autre nouvelle, on apprend qu'on a des plongeurs qui sont allés voir aussi la situation là-bas. Ces gens-là reviennent en disant qu'il y avait du pétrole partout, que c'est tout ce qu'on voyait. On a aussi utilisé, je crois que c'est des avions, des hélicoptères pour faire aussi des vols. On a survolé la région et puis, écoutez, là, le pétrole est loin d'avoir disparu, chers auditeurs, il est loin d'avoir disparu. OK? Vous avez aussi toutes sortes d'oiseaux de mer, des oiseaux marins qui sont paralysés, qui sont morts près de Sarasota en Floride. Les docteurs ont mentionné le dispersant comme un des probables responsables. OK? Alors, ça aussi, là, c'est de quoi là, qui affecte l'environnement et puis la vie sauvage. On a à Plaquemines des officiels qui ont déclaré qu'on a encore beaucoup de pétrole qui vient s'échouer sur les côtes. Ensuite, dans une autre nouvelle, vous voyez BP qui non seulement essaye de laver le cerveau des enfants, mais essaye de faire de la propagande carrée, simple, je veux dire, incroyable. BP qui organise ce qu'on appelle en anglais des fam trips, des tours de familiarisation. Alors ça, normalement, c'est populaire dans les agences de voyage pour faire connaître des destinations. On demande aux agents de voyage là, de participer à des fam trips. Et puis là, ces gens-là s'en vont à une destination pour quelques jours. Tout est payé. On leur fait visiter toute la région. Tout est gratuit. On les bourre d'alcool, tout le kit. On essaye de vendre le produit. Mais là, ce qui arrive, c'est que vous avez BP qui organisé des fam trips avec des auteurs, des écrivains, des journalistes, OK, pour faire le tour de la région désastrée, OK. Alors, incroyable, c'est complètement débile. Alors, on a mis ces gens-là dans une grande limousine blanche. On les a promenés d'un bord à l'autre, aller voir des belles plages de la région du Golfe du Mexique, leur montrer comment que c'est fantastique, comment que c'est beau, que l'eau est claire, que, mon Dieu, qu'il fait bon de vivre, et puis que, hey, regardez la belle paire de lunettes roses. Ah, t'as pu, je viens de les mettre. Ah, je vois tout en rose. Esprit que c'est beau, c'est incroyable. Et puis là, ces gens-là sont même payés pour retourner après ça pour écrire comment que la vie est fantastique dans le Golfe du Mexique. Alors là, je ne suis pas en train de vous écrire, là, de vous dire des niaiseries, là, c'est réellement ça. Ça a coûté 551 000 $ à BP pour organiser ces tours programmés-là pour créer de la propagande. Je veux dire, absolument débile. Alors allez voir ça. Vous avez des gens là qui écrivent pour le Bâton Rouge Parents, le Houston Tribune, le Southern Hospitality Magazine, vous avez le Planet iTraveler.com, d'autres sites comme le Uptake.com, JustSayGo.com, des gens qui viennent de ces revues-là, de publications, de sites Internet, et puis ZipZap, je veux dire, on les amène, on les éblouit, puis là, ben, on fait à croire que la situation est complètement ruisselante dans la région. Alors, c'est tout pour l'économie BP. On fait une petite pause musicale. Au retour, on va attaquer l'actualité. Il y a énormément de nouvelles à passer. Après ça, on va, si tout va bien, là, devrait prendre une autre pause musicale et puis attaquer le dossier de l'Iran d'ici la fin de l'émission. Alors, on se retrouve tout de suite après ça. Petite chanson de Thievery Corporation, The Time We Lost Our Way. Alors, on va continuer avec l'actualité. Ça a bougé beaucoup les dernières semaines. J'ai énormément de nouvelles à vous passer. Donc, on va essayer de consacrer un 30 minutes, 40 minutes à l'actualité. Puis après ça, on va faire un petit topo sur la situation au Moyen-Orient, particulièrement avec l'Iran et Israël et le dossier nucléaire et, disons, le dossier de la propagande. Hein? On est en train d'essayer la même affaire là, qu'on a faite en 2002-2003 pour nous vendre la guerre en Iran, en Irak. Et on utilise les mêmes mensonges, les armes de destruction massive. Vous avez là maintenant l'Iran qui est démonisé complètement, comme c'était le retour des nazis. Et on va éliminer Israël de la carte. Alors, il y a des gens encore qui croient que cette déclaration était bel et bien réelle, alors qu'il s'agissait d'une mauvaise traduction. Ça a été bien établi par plusieurs experts dans le monde. Alors, quand Mahmoud Ahmadinejad aurait déclaré supposément qu'il voulait rayer la carte d'Israël, alors rayer Israël de la carte, devrais-je dire, écoutez, il s'agissait d'une mauvaise traduction du Memri encore. Alors, c'est pas la première fois que cette organisation qui est influencée par les intérêts sionistes font des mauvaises traductions de ces discours alors qu'ils avaient été prononcés à l'origine en farsi. Alors, on va revenir sur ce dossier-là. On vous ment beaucoup, on vous manipule, on essaie de partir une troisième guerre mondiale à travers tout ça. Je veux dire, en tant que tel, là, vous devez être conscient que ça serait vraiment là ouvrir la boîte de Pandore si on était pour attaquer l'Iran. Alors, l'Iran est loin d'être une une puissance comparable à l'Irak, là. C'est-à-dire que l'Irak était beaucoup plus faible, avait été complètement désarmé par l'ONU, les forces internationales, et puis là, vous vous retrouvez avec une armée iranienne qui est très, très bien équipée, très bien entraînée, qui contient des millions de soldats. On parle pas, on parle pas du tout, du tout, du tout de la même affaire. Alors, l'actualité, ben écoutez, vous avez Ahmadinejad, lui qui s'est présenté aussi au sommet des Nations Unies la semaine passée. Et puis, il a demandé pour une nouvelle enquête, qu'une nouvelle enquête soit ouverte sur le 911, en disant qu'il était assez évident que c'était un inside job, que les États-Unis avaient travaillé probablement avec Israël à faire ça. Alors, à peu près tout ce qu'on avait déjà compris pour les auditeurs ici réguliers de l'autre monde. On en vient aux mêmes conclusions qu'Ahmadinejad. Ça, c'est évident. Vous avez les représentants des États-Unis qui ont quitté la salle, alors comme des vrais enfants. Alors, ces gens-là, vous savez, on joue au scandalisé à la Vierge offensée. Et on sait très bien maintenant, et c'est très bien établi, vous allez voir d'autres nouvelles encore cette semaine dans la section 9.1. Qui montre très clairement encore que c'est un inside job et puis que ça a été perpétré par les États-Unis puis Israël qui ont formé une équipe ensemble pour perpétrer sur 9-1. Et puis, ce qui s'est probablement passé, selon toutes les évidences, c'est qu'Israël s'est retourné de côté, s'est retourné de bord et puis a un peu comme planté un couteau dans le dos des États-Unis puis a utilisé le 9-1 pour faire du chantage au gouvernement américain. En les obligeant, en leur tordant le bras pour faire toutes sortes d'affaires qui n'ont aucun sens, comme avoir un président Obama qui s'est tenu aux Nations Unies et puis a parlé d'un support qui ne va jamais mourir, un soutien indéfini, éternel à l'État d'Israël. Ça s'est passé exactement au même moment que les Nations Unies ont publié le rapport confirmant qu'Israël avait attaqué la flottille d'aide humanitaire internationale. Vous vous rappelez de ça, ça fait quelques mois maintenant. Vous aviez ce bateau de la flottille de la Liberté qui s'était fait. En fait, on avait arrêté la flottille au complet et on l'avait fait d'une façon tellement sauvage que vous avez, je crois que le total officiel maintenant, c'est 9 personnes qui ont été tuées par les soldats israéliens. Et puis, ça a été des exécutions sommaires, très brutales, complètement illégales en eau internationale. Alors, ça, c'est le rapport final des Nations Unies qui confirme tout cela. Alors, vous avez l'armée israélienne qui a attaqué un bateau qui était identifié avec un drapeau américain. On a capturé des citoyens américains, puis on en a assassiné un. Tout ça, comme je vous disais encore, sur les eaux internationales, ce qui est un acte criminel. En d'autres mots, Israël a attaqué un bateau qui portait pavillon américain. Et cela constitue non seulement un crime, un acte criminel, mais c'est aussi un acte de guerre. Et le président américain n'a trouvé comme réponse que de dire et de défendre l'ennemi qui a attaqué des citoyens américains, alors l'ennemi israélien. Donc ça, c'est incroyable. Vous avez le président Obama qui n'a absolument rien fait et même protégé Israël et puis a même encore confirmé aux Nations Unies qu'on était pour les soutenir quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'Israël était pour faire comme geste. Alors c'est assez clair, c'est directement dans votre visage et puis il ne suffit que d'ouvrir les yeux puis de voir la réalité. Et vous avez aussi Ahmadinejad qui est mentionné au sommet de l'ONU les fameuses armes nucléaires israéliennes. Okay? Vous avez aussi eu un sommet, un genre de rencontre, si vous voulez, de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et puis, vous avez les pays arabes qui ont demandé encore une fois, et je crois qu'ils le font à chaque année depuis quelques années, à ce qu'Israël joigne le pacte, le traité de non-prolifération nucléaire. Okay? Alors, évidemment qu'Israël a rejeté complètement cette demande-là. Écoutez, là, je veux dire, vous avez même l'administration américaine qui a promis de protéger Israël de toute critique à ce meeting-là. Donc, on a aussi les États-Unis qui ont appliqué beaucoup de pression sur plusieurs pays pour voter contre cette résolution. Alors, vous voyez les États-Unis qui sont complètement à genoux devant Israël. Pourtant, Israël qui possède entre 200 et 250 têtes nucléaires, okay? C'est Israël qui a manufacturé des bombes nucléaires depuis environ 50 ans maintenant. Okay? Et puis là, on pointe du doigt vers l'Iran. Et puis là, on dit que c'est l'Iran qui essaie de développer un programme nucléaire militaire. Donc, vous voyez là l'hypocrisie totale, les deux poids, deux mesures qui sont tellement grands que ça en devient complètement ahurissant. Donc là, évidemment que ça a soulevé des questions. Puis là, vous avez même CNN, ici, dans ce lien-là, où on apprend que, finalement, que CNN a mis sur la table que, ou a admis qu'Israël possédait des armes nucléaires. Alors, ça aussi, c'est très intéressant. Vous avez le lien directement sur CNN. Le fait que Ahmadinejad a parlé de ça au sommet de l'ONU, ça a provoqué certaines affaires. Donc, vous savez, Ahmadinejad, il opère un peu comme un grand joueur d'échecs sur le niveau politique. Il est vraiment systématique et puis c'est tout un joueur. Il est assez incroyable. Alors, d'une façon ou d'une autre, il a comme créé ce débat-là. Et puis là, vous avez CNN qui admet finalement qu'Israël possède des bombes nucléaires. Alors, vous voyez que, mec, l'histoire des pays arabes aussi. Au sommet de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, que ce sujet-là, ce fait-là devient publiquement exposé. Et puis, c'est vraiment ça qui est important aussi, là. C'est-à-dire que si vous voulez interdire à l'Iran d'avoir des armes nucléaires, eh bien, à ce moment-là, il va falloir l'interdire à Israël, puis il va falloir aussi l'interdire à l'Inde, puis au Pakistan, qui n'ont pas rejoint aux autres aussi le traité sur la non-prolifération nucléaire, OK? Et puis, qui a aidé l'Inde et le Pakistan à s'armer de la bombe nucléaire? Eh bien, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. OK? Donc, les États-Unis font de la prolifération nucléaire aussi dans le monde. Donc, on donne ça à nos amis. Par contre, ceux qu'on n'aime pas, hein, ceux à qui on n'aime pas la face, comme l'Iran, ben là, on dit non, non, non, toi, tu peux pas l'avoir, par contre. Alors, c'est pas mal spécial, là, je veux dire, la façon que c'est géré, là, vous voyez que c'est pas géré par des adultes, c'est géré par un genre de mafia nucléaire, là, des gens qui, finalement, ont des intérêts personnels là-dedans. Vous avez la nouvelle ici de World Bulletin, comme je vous parlais, là, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a de rejeter la résolution arabe de forcer Israël à joindre le traité. OK? Alors, c'est juste de rejoindre un traité et puis Israël refuse. On dit non, non, non, vous allez pas nous obliger à faire ça. Nous, on a le droit de posséder la bombe nucléaire, mais pas vous. Okay? Donc, ça, c'est l'État sioniste, hein, qui est complètement psychotique. Donc, voilà. Donc, vous avez l'Assemblée générale qui rassemble 151 membres. Ça a voté à 51 contre, 46 pour et puis 23 abstentions. C'est à peu près ça. Alors, on se retrouve avec une seule nation au Moyen-Orient qui possède la bombe nucléaire et qui en fait la prolifération et qui n'a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire. Et puis, c'est Israël. Qui crie le plus au Moyen-Orient contre le programme nucléaire civil, disons-le, pour produire des isotopes médicaux et puis de l'électricité de l'Iran, eh bien, c'est Israël. Alors, voyez un peu là, la dichotomie ici, je veux dire, la séparation de la réalité en deux qui sont tellement, qui est tellement grave qu'à un moment donné, on commence à en avoir un mal de tête juste à y penser. Vous avez un document secret ici qui affirme aussi le partenariat américain et israélien dans le dossier nucléaire. Alors ça a été publié par ce qu'on appelle le Israel's Army Radio, donc la radio de l'armée israélienne. Ça a été diffusé le 7 juillet 2010 et puis on disait dans ce reportage-là que les États-Unis avaient envoyé à Israël des documents secrets qui finalement confirmaient leur coopération nucléaire entre ces deux pays. Donc, ça aussi, là, vous voyez là que les Américains, ils sont derrière ça, là, hein? Vous avez aussi, selon toujours la Army Radio, que les États-Unis avaient apparemment promis de vendre à Israël du matériel pour produire de l'électricité et aussi de la technologie nucléaire et d'autres matériaux, malgré le fait qu'Israël n'était pas un signataire du traité de non-prolifération nucléaire. Alors, les États-Unis se retrouvent à avoir carrément fait de quoi d'illégal aussi. C'est contre le Symington Amendment aux États-Unis aussi de vendre et puis d'aider Israël, puisqu'Israël n'a pas signé ce traité-là et possède une bombe nucléaire. Alors, c'est illégal pour les Américains, pour le gouvernement américain d'envoyer de l'aide et autant financière que militaire à Israël pour des faits qui sont complètement établis là judiciairement. On pourrait aller en cour avec ça demain matin, aucun problème, ça se gagnerait les deux doigts dans le nez. OK? Alors, ça aussi, c'est une réalité qu'on ne parle, dont on ne discute jamais dans les grands médias, mais vous êtes ici à l'autre monde pour entendre les faits, alors c'est bon. Le World Trade Center, aussi, le dossier du 9-1, vous avez une victime de l'écroulement des tours qui s'appelle Jim Gartenberg, qui est passé sur ABC. Alors, vous avez un échange que vous pouvez entendre. Vous avez une vidéo là où vous entendez là le clip des nouvelles de ABC. Et on entend parler cette personne, Jim Gartenberg, qui a été à l'intérieur, qui était à l'intérieur des World Trade Center. Et on l'entend décrire dans ce clip-là. Lui est à l'intérieur, OK, donc on parle d'un témoin, d'une personne qui est à l'intérieur et qui voit exactement ce qui est en train de se passer. Et puis, Jim Gartenberg décrit que le cœur des tours, le cœur du bâtiment avait été soufflé, avait été complètement réduit en poussière par des explosions massives. OK? Le cœur du building, pas l'extérieur, pas où c'est que l'avion a crashé. Le cœur du building. Et puis là, c'est très intéressant de voir les deux journalistes qui sont en train de l'interviewer changer de sujet assez rapidement quand ils commencent à mentionner ce fait assez troublant-là. Allez voir ça, très intéressant. On a un autre article ici où on apprend que le 911 dit que le détournement de l'avion qui s'est écrasé dans le Pentagone était impossible parce que on a évidemment des enregistreuses, des genres de boîtes noires hein, dont on parle souvent dans ces avions-là. Alors, on avait le vol d'American Airlines numéro 77 qu'on a dit dans les médias, on a dit dans la version officielle que cet avion-là avait été détourné par des terroristes avec des couteaux là à boîte là et puis une histoire complètement bricadabrante là. C'est dessus ces enregistrements-là que on avait aussi supposément la dame qui avait communiqué avec son mari par téléphone cellulaire et puis après ça, les compagnies de téléphone cellulaire ont avoué que à ce moment-là, c'était impossible de faire un appel à partir de cette altitude. Alors, l'appel avait été complètement, je pense que c'était Barbara Olson, Madame Olson, en tout cas, ça c'est certain. Et puis on avait établi que c'était impossible que cet appel-là n'avait pu se faire. Alors elle décrivait, ah oui, on va mourir, des terroristes ont pris contrôle de l'avion, on a détourné l'avion, zap. Alors vous savez, même les autorités américaines qui ont été obligées après ça d'admettre que cet appel-là n'avait jamais eu lieu. Alors voyez les mensonges qui apparaissent. Je veux dire, c'est pas des petits mensonges là, c'est pas des petites anecdotes, des petits détails que je vous dis là, c'est des détails majeurs sur lesquels la version officielle repose. Et puis un à un, ces piliers de la version officielle sont en train de tomber, de s'effondrer, et puis la vérité est exposée. Là, on apprend dans cette nouvelle-là qu'il n'y a personne qui a pu détourner cet avion-là parce qu'en aucun moment, les enregistreuses de l'avion ont enregistré une ouverture de la porte. Alors, la porte du cockpit n'a jamais été ouverte lors de tout le vol 77, OK? Alors, ça aussi, c'est absolument incroyable. C'est des chercheurs indépendants en analyse d'ordinateurs et d'informatique, des programmeurs informatiques de l'Australie qui a exposé cette évidence alarmante que le détournement d'avion du vol American Airlines 77 était impossible, ne put exister. OK? Alors, c'est assez, ça aussi, c'est assez révélateur, là. Vous voyez, là. Ensuite, ici, on a une autre vidéo, le 911. C'était un homme qui a été interrogé par les médias alors que les tours jumelles venaient juste d'être attaquées. C'était le chaos dans les rues à New York. Et puis là, soudainement, vous avez les médias qui sont sur place. On interview une personne qui était habillée en uniforme de la Garde nationale et qui parle avec un accent israélien et qui lui raconte qu'il finalement il savait déjà que le Building 7, le World Trade Center 7 était pour s'effondrer, était pour s'écrouler. Alors lui savait déjà d'avance que le Salomon Brothers Building, qui se trouve être le World Trade Center 7, était pour s'écrouler, alors que dans toute l'histoire de l'architecture, et puis je peux vous en parler, je suis formé en architecture, de toute l'histoire de l'architecture, aucune structure métallique ne s'était effondrée avant, même dans des situations bien pires que ça, là, des situations de feu infernal qui ont brûlé pendant des heures et des heures, où si vous avez plusieurs étages qui sont engouffrés littéralement par des flammes, pas des nuages épais de fumée noire. Si vous avez des feux qui sont étouffés, qui n'ont pas d'oxygène, comme dans les World Trade Center 7, puis aucun avion qui s'est écroulé dans le World Trade Center numéro 1 et numéro 2, qui ont été finalement percutés par des avions. Et puis après ça, le World Trade Center 7, qui lui n'a jamais été attaqué par aucun avion, avec quelques feux mineurs, des dommages asymétriques dans sa structure, et puis tout d'un coup, le truc s'écroule de façon symétrique à la vitesse de la chute libre à 6,5 secondes dans le chemin de la plus haute résistance structurelle. Okay? Je veux dire, de quoi qui est complètement là, impossible à réaliser si on ne sape pas de façon uniforme et simultanée, de façon synchronisée, toutes les colonnes de support, de soutien du bâtiment. Okay? Je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne, là, je veux dire. Alors, Zapp, on interroge cette personne-là. Cette personne-là savait déjà que le bâtiment numéro 7 était pour s'écrouler. Et puis, étrangement, cette personne était habillée dans un uniforme militaire et un accent israélien. Alors, vous avez la vidéo et allez voir à 4 minutes 20 de la vidéo, vous allez entendre et voir cette personne. Alors, voyez, il y avait déjà des personnes qui étaient sur les lieux, qui étaient là pour planter la version officielle dans la psyché des gens. OK? Et c'est comme ça qu'on a établi tout de suite, alors que les gens étaient en état de choc, zap, lavage de cerveau, on fait une petite impulsion de fausses informations, puis là, ben, les gens se retrouvent avec ces éléments-là en tête, et on sait que même si par l'après, les gens apprennent la vérité, apprennent que la première impression, les premières informations étaient fausses, il reste quand même que les gens demeurent sous la fausse impression de la première pensée du départ. Alors, tout ça était très bien planifié. Vous avez aussi des dettes très mystérieuses de témoins du 911 qui sont mortes. Ça aussi, c'est assez choquant, cette vidéo-là. Vous allez voir les personnes qui étaient impliquées là d'assez près dans toute cette histoire-là, des témoins assez importants du 911 qui, dans leur version, eux autres, de ce qui s'était passé, vous aviez plusieurs éléments qui venaient contredire et défaire la version officielle. Et puis, mystérieusement, ces personnes-là disparaissent tout le temps dans des accidents étranges ou se suicident. Vous allez voir ça, c'est assez spécial. Allez voir cette vidéo-là, ça fait réfléchir. Vous avez aussi le département de défense américain qui est en train de se tourner un peu là en appareil nazi. On a une campagne ici où on achète les livres. Alors, vous avez le département de défense aux États-Unis, le Pentagone, okay, à travers le Pentagone, qui a décidé d'acheter et de brûler chaque copie d'un livre qui révèle les évidences derrière le 911 et puis sa couverture, alors son cover-up en anglais. Un livre qui s'appelle Operation Dark Heart. Et ça, c'est assez étrange comme nouvelle. Vous allez voir, là, ça vient à propos, en plus, là, c'est basé sur les articles, un article du département de la Défense dans lequel là, on a lancé un petit blitz pour acheter et détruire toutes les copies de ce livre-là. Alors que dans le livre, on révèle que le gouvernement américain savait que les attaques du 911 étaient pour se produire, ont permis les attaques de se produire et ont caché la vérité à propos de leur connaissance que ces attaques-là étaient pour se produire et puis ont faussé les enquêtes du panel sur le 911. Les informations ont été révélées, même sur Fox News, vous allez voir ça, vous avez toutes les nouvelles là, qui vont permettre de voir ça. Et ce qui est le plus étrange, c'est qu'en plus, le Pentagone avait déjà approuvé la publication de ce livre-là. Donc, on avait déjà même soumis ce livre-là au Pentagone. On l'avait approuvé. Puis là, par après, on s'est retourné de bord au Pentagone. Et puis là, on a dit, on ne peut pas laisser ce livre-là être publié. Puis là, on l'achète et on le détruit. Donc, c'est vraiment spécial là, de voir ça. Allez voir toutes ces nouvelles-là. Réellement, vous avez tous les liens. Là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ensuite, vous avez d'autres nouvelles ici. De ce fameux réseau d'espionnage israélien que les États-Unis étaient en train de contrer alors que le 911 est arrivé. Alors, il y avait déjà une campagne qui était partie aux États-Unis pour finalement fermer le plus gros réseau d'espionnage de l'histoire des États-Unis. Alors, réseau d'espionnage étranger. Et j'ai nommé le réseau d'espionnage israélien qui était partout aux États-Unis, qui fourmillait sur la place. C'était de quoi d'assez intense. Et puis, les États-Unis étaient en train de finalement là, essayer de faire résorber ce mouvement-là. Et puis, bouf, le 911 s'est produit. Quand le 911 s'est produit, on a arrêté, je crois, à peu près 60 Israéliens. Et tous ces gens-là, dont les fameux, on les appelle les danseurs, ceux qui donnaient des high five, ils dansaient sur le toit d'une petite wagonnette, je pense sur la côte là, de l'autre côté là, finalement, de l'île de Manhattan au New Jersey. Ces gens-là se tapaient dans les mains, yeah, woo, en train de filmer le World Trade Center 7. En train excusez-moi, de voir les tours jumelles s'écrouler. Il est en train de filmer tout ça. Vraiment spécial. Donc, ces gens-là ont été arrêtés. On a retrouvé de l'argent en cash dans la minivan. On a retrouvé des traces d'explosifs, des cartes de New York, des gens qui paraissaient sous une compagnie de déménagement. Et puis, on les a arrêtés, Zap. On les a mis en prison. On les a interrogés. Puis après ça, on a classé l'information qui a été collectée comme étant de sécurité nationale. Et puis, qu'on ne pouvait pas révéler la vérité à propos de ça. On ne peut pas discuter les évidences sur la place publique. C'était de l'information classifiée. Vraiment incroyable. Alors, on dit que les évidences qui lient les Israéliens au 9-1 sont classifiées. Alors voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait avec cette soixantaine de personnes-là qu'on a arrêtées? On les a expatriées, on les a renvoyées en douceur, tranquillement, vers Israël. Eh ben, regardons ça, toi. Alors, allez voir les nouvelles à propos de ça. Vraiment incroyable. L'administration Obama qui prédit une nouvelle terreur-attaque à petite échelle, juste à temps pour les élections. Vous allez voir, voyez, là, le terrorisme là, qui commence à augmenter. Il faut épeurer la population. Les élections arrivent. C'est comme ça que qu'on contrôle les gens. Ensuite, on parle ici d'une autre nouvelle d'ABC News où on apprend qu'on a des développements significatifs dans les menaces de la terreur un peu partout. Là, ça vient autant aux États-Unis qu'à l'Angleterre, en France dernièrement. Donc, on essaie d'épeurer tout le monde. On dit qu'on a des développements tellement significatifs que ça nous rappelle ce qui s'est passé le 9-1, selon les officiels rapportés, comme je vous disais, sur ABC News. On dit qu'on a une menace à l'intérieur de l'Amérique, des États-Unis, on a des Américains. Alors là, on est en train de dire que la prochaine menace, la prochaine attaque terroriste pourrait ne pas venir des gens à la peau basanée comme des musulmans, mais provenant d'Américains. Alors on dit que là, les réseaux terroristes, ils sont rendus très intelligents, puis là, maintenant, ils engagent des Américains. Hey, c'est incroyable, je veux dire, c'est comme un film de science-fiction, mais on essaie de nous présenter ça dans les nouvelles comme étant la réalité. Capoté ben raide. Alors là, apparemment que la menace là, est en train de grandir. On a une menace grandissante. Ouh, j'espère que vous avez peur. Alors, vous avez ici dans une autre nouvelle un officiel américain qui a renouvelé son focus sur les terroristes. On appelle ça des homegrown terrorists. Alors, des terroristes là qui viennent, si tu veux, du terroir, qui vient de l'intérieur, des terroristes. Qui sont sous la peau, sous le masque de citoyens qui ont l'air normal, qui portent des jeans et qui vont au travail tous les jours. Donc là, vous voyez, là, c'est ça. C'est en train de vous décrire, là, au niveau de l'élite, là, qui sont pour eux, là, l'ennemi. Alors, l'ennemi, c'est qui? Ben, c'est vous, c'est la population en général. Et puis là, on est en train de faire en sorte que toute la population complète va être suspecte d'être des terroristes potentiels. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on crée une genre de psychologie de terreur et de méfiance généralisée et de snitch. Donc, en anglais, on appelle ça des snitch, c'est-à-dire des gens qui s'épient l'un l'autre et dénoncent son voisin aux autorités. Et puis, on est en train, là, de faire ça. Vous avez même une nouvelle, là, je pense que je l'ai cette semaine. On a parti un nouveau site Internet aux États-Unis, c'est incroyable, où on appelle les gens, même les enfants, en tout cas, c'est même spécifiquement dirigé vers les enfants, à dénoncer toutes sortes d'affaires suspectes qu'ils voient. Alors, on a un beau site Internet, super cute, tu peux gagner des affaires, un beau sac d'école, des bonbons. Et puis là, les enfants sont encouragés à rapporter, à dénoncer des choses qu'ils voient dans leur entourage. Alors, oui, j'ai vu petit Bob, là, il vendait ci, il vendait de la drogue. Lui, il a l'air d'un suspect terroriste. L'autre, il fait sa prière. Là, j'ai l'impression qu'il va aller faire sauter un building après. Zap, on est en train de tourner la population je veux dire, en paranoïaque, carrément, là, en paranoïaque pour faire en sorte que la population se divise, se moncelle. Et puis, c'est comme ça qu'on domine les gens, c'est en les divisant et puis en les rendant complètement psychotiques mentalement. Alors, on est en train de jouer cette carte-là à fond. On parle de radicalisation domestique, OK? Donc, on dit que là, sont à des niveaux énormément hauts, OK? Et bien, on est énormément élevés. Vous avez Mueller puis Lieberman aux États-Unis qui ont fait ces allégations. Et ces gens-là font ces allégations sans aucune statistique, okay, sans aucune preuve. Je veux dire, on fait juste dire que oh, ouais, la menace est très élevée. Et c'était plus absolument rien, par du vent, aucun document, il n'y a aucune recherche. Je veux dire, on fait juste affirmer ces choses-là. Probablement que c'est impossible de prouver ces choses-là parce qu'elles n'existent simplement pas. Okay? Donc, ces allégations-là sont faites seulement pour épeurer les Américains, pour faire en sorte que ces gens-là acceptent un État, un statut de quasi-loi martiale aux États-Unis comme étant un nouveau normal, une nouvelle situation normale. Alors, on est en train d'instaurer ce genre d'espace mental-là, de paranoïa sociale comme étant une ambiance normale. Alors, c'est vraiment particulier, vraiment particulier. Vous savez, les autorités fédérales aussi, dans une autre nouvelle qu'on apprend ici, que ces gens-là ciblent les Américains comme étant des terroristes. Alors, c'est vraiment pas des jokes, là, ce que je vous dis. C'est en train de se passer pour de vrai, là. On est en train de virer la population américaine en terroristes. Là, on fait de plus en plus des actes, là, on va faire des descentes comme ça, complètement fortuites chez des dissidents politiques, des gens qui ne sont pas d'accord avec la politique étrangère des États-Unis, des groupes pour la paix, des groupes anti-guerre, le Tea Party, des gens comme ça. Alors, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Vous avez le FBI qui a fait des descentes la semaine passée chez des activistes pacifiques, des gens qui n'ont jamais rien fait de mal, là. Je veux dire, tout ce qu'on fait, là, c'est protester contre les guerres, contre justement tous ces actes criminels et psychotiques et psychopathes que la classe dirigeante américaine fait. Là, on ne parle pas de tous les Américains, c'est vraiment la classe dirigeante. Là, on risque d'assister à une seconde révolution américaine dans les prochains mois, ou en tout cas très très bientôt. C'est pas dans, je dirais, dans moins d'un an ou deux. Il va se passer de quoi d'assez heavy metal aux États-Unis, vous allez voir là. Là, ben, vous avez, il faut intimider la population. C'est ça qu'il faut faire. Il faut lancer un message clair. C'est comme si vous êtes pour être contre nous et puis le faire publiquement. Nous autres, on va vous rentrer dedans. On va vous intimider, on va vous faire mal, on va vous épeurer. Et puis là, vous avez les feds qui ont fait des descentes chez des activistes pacifiques aux États-Unis. On les intimide, on les accuse de terrorisme. Vous avez les feds maintenant qui ont utilisé des vieux trucs comme ça pour démoniser les citoyens américains qui sont politiquement engagés puis qui utilisent Internet. Donc, pour passer l'information, nous autres, on va ces gens-là vont les accuser d'être des terroristes domestiques. Alors, c'est-à-dire des terroristes à l'intérieur des États-Unis qui utilisent l'Internet. Alors, on veut évidemment là, intimider les gens, intimider, essayer de faire de la répression sur la liberté d'expression, essayer d'immobiliser le mouvement de la résistance contre ce qu'on appelle en anglais les big government, alors les gros gouvernements, les gouvernements tyranniques qui s'occupent de tout, qui gèrent tout, qui épient tout, qui surveillent tout, qui vous disent comment gérer votre vie, qui finalement qui sont partout, là, je veux dire. Ça, c'est une lourde tendance, OK? Et puis, vous devez aussi savoir que, alors qu'on accuse, on démonise les Américains, les citoyens américains, qu'on va les traiter de plus en plus comme étant des terroristes, en réalité, tous les événements de terrorisme majeur aux États-Unis qui se sont passés ces dernières années ont été provoqués, ont été financés, ont été manipulés directement ou indirectement, ont été facilités par le gouvernement fédéral lui-même. Et puis là, ça, j'en ai parlé tout au long des années. Vous avez un article ici assez génial qui résume bien ça de façon assez succincte, mais je vais vous nommer les plus importants. Tu sais, vous avez à Noël dernier ce qu'on appelle le Underwear Bomber. Alors, celui, l'attaquant à la bombe aux sous-vêtements, celui qui était supposément là, le Oumar Farouk Abdul Moutallab qui volait de l'aéroport d'Amsterdam vers les États-Unis puis qui était censé faire exploser un avion, alors que finalement on a appris que Oumar Farouk Abdul Moutallab avait été mis sur l'avion par un agent du FBI. Alors ça a été avoué, c'est complètement bien établi. Alors cette personne-là n'avait pas de visa, OK? Passeport, pas en règle, tout le kit. On l'a mis pareil sur l'avion. Et puis là, après ça, on fait à croire qu'il y a du terrorisme, OK? Donc, voyez là, les histoires absolument incroyables. Et puis là, on a appris même qu'il y avait une personne qui avait filmé Abdul tout le long du vol. Alors, comme par magie, comme ça, il y avait quelqu'un qui était à quelques sièges seulement de Oumar Farouk. Et puis, il a filmé tout le long du vol, Oumar Farouk. Alors, c'est comme si vous preniez l'avion, quelqu'un vous filmait tout le long. Voyons donc, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il faisait là, filmer ce gars-là? Toulon. Et puis après ça, zip zap, là on a un gros show de boucan et de lumière. Finalement, on apprend que c'était même pas une vraie bombe, que c'était de quoi qui était impossible à exploser. Donc, vous voyez que c'était une fausse attaque terroriste pour préparer les gens. Vous avez ensuite l'attaque à Fort Hood au Texas par un homme qui s'appelait Nidal Hassan, qui a tué 13 personnes. Et puis là, on a appris plus tard que que cette attaque-là avait été organisée par Anwar Al-Awlaki, qui était, comme Webster Tarpley l'a documenté, un genre d'opération, un agent des agences de l'intelligence. Alors, c'est ce qu'on appelle un proxy, une personne qu'on contrôle comme ça, qu'on envoie faire de quoi. Et puis, c'était tout simplement des trucs organisés pour, finalement, là, condamner les islamiques. Okay? Donc, on essaie de démoniser comme ça. On prend des gens qui sont mentalement instables, des gens qui sont handicapés mentaux, et puis on utilise ces dupes pour les faire de quoi? Pour les faire des actes comme ça, donc des supposés actes terroristes. Mais ces gens-là sont dirigés et pilotés par des agents du FBI. Et ici au Canada, ben ça a été souvent fait par des gens de la GRC, OK? Alors c'est comme ça que ça se passe. Allez voir ce que Benoît Perron découvre tranquillement en interrogeant des anciens des services secrets canadiens, puis les meilleurs chercheurs sur le sujet. Puis on apprend que l'histoire du FLQ, les bombes qui explosaient puis tout, c'était piloté par le GRC. Même la CIA est au courant de toutes ces affaires-là. Alors voyez, c'est ça la réalité. Vous avez aussi ce qui s'était passé à Fort 10 aux États-Unis, où c'est qu'on a des avocats qui ont prouvé que vous aviez des informateurs du FBI qui étaient derrière cette opération-là, qui a terminé en accusant 6 musulmans qui sont nés à l'extérieur du pays des États-Unis. Et on utilise ces gens-là. Alors, encore là, des choses qui sont bien établies. Donc, on utilise tout le temps des systèmes comme ça. On appelle ça la stratégie de l'attention pour préparer la population et puis la forcer à faire ce qu'on veut. On a une autre nouvelle ici qui annonce que c'est officiel que les États-Unis ont un État policier. Alors, ouais, je crois que ça fait longtemps que ça, c'est pas mal établi, là. Ça, c'est les fameuses attaques, comme je vous disais, du FBI qui ont attaqué les maisons de des activistes anti-guerre en Illinois, au Minneapolis, au Michigan, puis en Caroline du Nord. Alors, ça, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Alors, allez voir les nouvelles qui parlent de ça. C'est assez inquiétant. Ensuite, ici, une autre annonce qui prouve que, bon, les États-Unis, c'est un État policier, c'est que vous avez ici une menace des gens qui habitent dans l'État de New York. Sont menacés de faire jusqu'à 60 jours de prison s'ils laissent leur gazon, leur pelouse pousser trop long. Alors imaginez, maintenant aux États-Unis, si vous laissez votre pelouse pousser trop long, ou si vous creusez des trous sur les plages autour du golfe du Mexique, vous pouvez faire de la prison. Alors, c'est-à-dire, passez la tondeuse parce que vous allez avoir des sérieux problèmes. Une bonne nouvelle ici, l'Italie qui a décidé d'abandonner les fameux scanners corporels, moi je les appelle les scanners pornographiques. Alors, ces fameux scanners qu'on a installés un peu partout dans les aéroports suite justement à l'affaire d'Abdul Moutallab que je viens juste de discuter. Alors, cette fraude totale, le gars qui est censé passer avec une bombe à travers ces fameux scanners-là. À Amsterdam, le fameux Abdul Moutallab, là, il est passé à travers les scanners corporels, là, OK? Donc, les fameuses machines qu'on a dit qu'on était pour installer dans les aéroports suite à cet événement terroriste, entre parenthèses, comme étant une mesure de sécurité qui était pour régler le problème, est complètement débile parce que, je veux dire, Abdul Moutallab était passé par ces fameux scanners corporels-là à Amsterdam avant de monter à bord de l'avion. Donc, vous voyez bien que ça sert absolument à rien d'avoir ces scanners-là qui sont en plus très dangereux pour l'ADN. Donc, on peut endommager l'ADN et causer des cancers. Alors, l'Italie qui a décidé d'abandonner ces fameux scanners-là. Donc, bravo pour eux autres. Ensuite, un autre dossier très sérieux, c'est la fameuse piraterie israélienne qui a été condamnée par les Nations Unies. Alors, la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme auprès des Nations Unies a accusé les forces israéliennes d'avoir violé le droit international en attaquant une flottille d'aide humanitaire en route pour Gaza. Alors, on se rappelle des événements qui s'est passé ici. J'en avais parlé de façon assez radicale, là. Disons que j'étais assez en feu quand c'était arrivé. Vous avez 3 experts nommés par la Commission des Nations Unies qui ont déclaré dans un rapport publié mercredi dernier que les forces israéliennes ont fait preuve d'une violence inouïe pendant et après leur raid sur la flottille d'aide qui a abouti au meurtre de 8 militants turcs et d'un militant turco-américain. L'enquête des Nations Unies a conclu qu'il y avait des preuves évidentes pour appuyer des poursuites contre Israël pour homicide volontaire et actes de torture commis lors de l'assaut de la flottille d'aide par ses troupes en mai dernier. La réponse militaire d'Israël à la flottille a trahi, et là c'est une citation, a trahi un niveau inacceptable de brutalité, fin de la citation, et a violé le droit international, y compris le droit international humanitaire et des droits de l'homme, a déclaré les trois experts. Le comportement du personnel militaire israélien et autres envers les passagers de la flottille était non seulement disproportionné par rapport à la situation, mais a démontré des niveaux de violence totalement inutiles et incroyables. Alors imaginez, le rapport là a été rédigé en des termes très, très forts. Le rapport devrait être débattu par le Conseil des droits de l'homme lundi prochain. Le rapport a également rejeté la position d'Israël qui affirme que ses forces ont agi en situation de légitime défense quand ils ont attaqué la flottille, en faisant valoir que même ceux qui n'ont pas tenté d'arrêter les soldats israéliens de monter à bord des navires d'aide ont subi des blessures, dont des blessures mortelles. Il est évident qu'aucun effort n'a été fait pour minimiser les blessures infligées à certains moments de l'opération et que l'utilisation de tirs directs a été faite de façon large et arbitraire. Les circonstances de la mort d'au moins 6 passagers sont directement apparentées à des exécutions sommaires. 6 passagers exécutés de façon sommaire, imaginez. Le comité a déclaré également que le simple fait que la bande de Gaza souffre d'une crise humanitaire, le jour du raid meurtrier, le blocus israélien était illégal et ne pouvait être maintenu par la loi internationale. Ça a déjà été bien établi, le blocus israélien, qui sert de justification d'arrêter toutes ces flottilles-là, est illégal. Selon la loi internationale, le mouvement Hamas, mouvement de la résistance palestinienne, s'est félicité du rapport et a déclaré qu'Al Jazeera que les résultats montraient à l'évidence que l'occupation israélienne des territoires palestiniens violait les droits de l'homme. C'est assez important là, ce qui s'est passé, puis c'est la journée même où ce rapport-là est sorti qu'Obama a déclaré aux Nations Unies qu'il était pour donner son soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Wow! Vous voyez les États-Unis qui sont complètement prostitués à Israël, se prostituent de façon éhontée à Israël. Ensuite, vous avez fait une série d'articles, allez voir là-dessus, les experts des Nations Unies qui ont déterminé qu'Israël était vraiment dans le tort là-dedans, mais pas seulement dans le tort, mais je veux dire de façon radicale. A enfreint la loi internationale en eau internationale. Ça a été rapporté aussi par différents médias. Donc, si vous avez la BBC, vraiment un tas de nouvelles. Vous avez aussi le rapport que vous pouvez lire en format PDF. Vous avez les liens sur les nouvelles internationales. Alors, on parle là, écoutez, là, de meurtre direct, d'exécution sommaire. Évidemment qu'Israël a rejeté le rapport. C'est eux autres, écoute, ils font jamais rien de mal. Israël ne s'excuse jamais pour ses actes. Okay? Vous avez les États-Unis qui ont décidé de protéger Israël contre ça. Alors, c'est assez incroyable. Alors que le président, normalement américain, aurait dû finalement nommer ça comme un acte de guerre, mais là, ça n'a pas été nommé comme un acte de guerre. Donc, vous avez Obama qui a tout simplement commis un acte de trahison en refusant de déclarer la guerre à une nation qui a attaqué des Américains dans les eaux internationales, un bateau qui portait pavillon américain. Donc, c'est assez incroyable. Israël, pour se revenger, a décidé de resserrer la famine et donc le blocus sur Gaza. Alors, on a déclaré ça cette semaine. Alors, non seulement ils ne s'excusent pas, mais on dit en plus, ben écoutez, on va affamer encore plus la bande de Gaza, on va resserrer le blocus. Bon, bravo Israël. C'est une belle réaction. Donc, allez voir ça. Après ça, vous avez une nouvelle ici de AP. Et puis vous savez, dans les grands médias, on manipule tout le temps aussi, on a tout le temps un certain biais. Et là, vous avez une citation aussi dans cette nouvelle-là, on dit que Israël impose un blocus à Gaza après que les militants du Hamas aient, de façon violente, saisi le contrôle de la bande de Gaza des mains du Fatah en 2007. Ce qui est un mensonge incroyable. C'est incroyable dans les médias. On essaie tout le temps de vous faire croire de façon subtile, sans vraiment le dire directement, mais on le sous-entend comme si c'était un fait établi puis que tout le monde était d'accord sur ça. Le Hamas n'a pas saisi le contrôle, n'ont pas enlevé le contrôle des mains du Fatah, n'ont pas utilisé la violence pour contrôler la bande de Gaza. Le Hamas a été élu dans une élection démocratique en 2007. Les Palestiniens ont voté dans des élections qui ont même été truquées par les Israéliens et les Américains parce que les Américains et les Israéliens avaient donné des millions de dollars pour favoriser le Fatah. Alors, on avait donné énormément d'argent à l'autre parti politique pour qu'il gagne. Puis, malgré tout, les Palestiniens en avaient marre de la corruption de Abbas, de M. Abbas. Et puis, les Palestiniens ont décidé de voter pour le Hamas. Donc, ont élu démocratiquement le Hamas. Et puis, quand ça s'est produit, les Américains et puis les Israéliens étaient tellement choqués que là, ils ont décidé de classifier le Hamas comme étant un groupe de terroristes, de mettre le Hamas sur la liste des groupes terroristes et puis ainsi rompre tout lien diplomatique et justifier tout leur acte guerrier contre la bande de Gaza et puis le Hamas. Donc, voyez, ça, c'est la vérité. Alors voilà, donc allez voir ça, c'est des affaires qui sont très bien établies. Donc on apprend ici que ce fameux Forkan Dogan, qui est le Turc américain, qui a été exécuté par les Israéliens lors de cette attaque sauvage contre la flottille de la Liberté, Monsieur Dogan, qui est âgé seulement de 19 ans à ce moment-là, a été exécuté de 100 fois par les soldats américains sur la flottille, a été atteint de 2 balles directement dans la tête. Alors, à bout portant, on a tiré le jeune homme de 19 ans, 2 balles dans la tête, tao, tao, une balle dans la jambe, pow, un autre dans la figure, à bout portant, alors que le jeune homme de 19 ans gisait sur le sol. Okay, il était déjà à terre, en train de mourir. Vous avez des vidéos sur YouTube de ça qui sont disponibles. Vous voyez le soldat israélien chargé, pomper son fusil. Et puis là, se penche vers la terre et puis il tire une balle dans la tête. Et maudit, ça, c'est ça qu'il appelle de l'autodéfense. Et si bol, je veux dire, vous allez écouter l'émission que j'ai faite là, sur ce sujet-là. Quand ça s'est produit, vous allez voir les archives, l'émission sur la fête de la liberté. Il y a de quoi être fâché. Je veux dire, c'est assez hallucinant, c'est pas ça. Imaginez si les Iraniens avaient fait ça. Imaginez si les Iraniens avaient fait ça. Je veux dire, on aurait largué une bombe nucléaire sur l'Iran. Pas plus compliqué. Alors, allez voir ça. Vous avez les vidéos, des balles directement dans la tête. Là, vous avez des pacifistes juifs qui ont fait voile vers Gaza. Alors, vous avez même des juifs. C'est fantastique de voir ça. Puis, vous allez voir que ça balance là, mon propos. Là, il y en a qui vont dire, mon Dieu, le gars, il est vraiment anti-Israël. Vraiment anti-Israël, anti-antisémite. Et puis, là, écoutez, il n'est pas question d'être antisémite ou quoi que ce soit. Je veux dire, je parle des autorités sionistes qui contrôlent le pays. Je parle de l'armée israélienne, mais vous avez évidemment beaucoup d'Israéliens qui sont contre ça, beaucoup de Juifs aussi, Américains juifs, qui sont contre ce que l'État d'Israël fait. Puis là, vous avez même plusieurs flottilles qui vont partir d'un paquet de différentes locations, d'endroits comme le Canada, vous avez différents pays européens, et vous avez aussi cette flottille d'un petit groupe de Juifs qui ont décidé d'apporter de l'aide humanitaire à Gaza, que je félicite énormément. Et puis, ils ont été interceptés il y a quelques jours. Alors, en fait, je crois que c'est hier ou avant-hier, ils ont été interceptés aussi de façon assez brutale. Il n'y a pas eu de meurtre, à ce qu'on sache, là. Il n'y a pas eu de personnes tuées. Mais écoutez, je veux dire, on les a interceptés pareil de façon assez radicale, là. Je veux dire, vous autres, là, vous n'allez pas amener de l'aide humanitaire à Gaza. Nous autres, on a un blocus illégal à protéger. Alors, ça fait dur, mais c'est comme ça. C'est comme ça, tu sais. Mais ça continue aux États-Unis. Vous avez une nouvelle ici, vous en apprend que la plupart des membres du Congrès américain demeurent loyal au blocus israélien contre Gaza. Alors, ces gens-là à Washington, de l'administration Obama, indiquent que les États-Unis devraient continuer à supporter Israël, ne doivent pas lever leur blocus. Alors, voyez comment que tout le gouvernement américain est contrôlé par les sionistes. C'est absolument débile. Si on compare une pareille situation, on retourne en 1948-49, alors que l'Union soviétique imposait un blocus à Berlin-Ouest pour les affamés. Et vous avez ces gens-là qui essayaient de forcer les gens à abandonner leur leader élu et puis les faire accepter la gérance soviétique de leur pays, alors que là, vous aviez les forces occidentales qui s'étaient insurgées contre ça. On a dit, c'est incroyable, on ne peut pas imposer ça, imposer, hein? C'est devenu même un crime international, on appelle ça punition collective, OK? Donc, on punit un collectif de personnes pour les faire se plier à notre volonté. Et puis là, vous avez les Israéliens qui font ça à la bande de Gaza, mais là, c'est correct. Là, on peut affamer les Palestiniens. Il n'y a aucun problème. T'sais, c'est des principes moraux qu'en 1948, on avait, et puis que maintenant, on n'a plus, qu'on a perdu. Alors, dégradation totale, on est rendu vraiment là, dans un moment où c'est vraiment là, comme une grosse mafia qui contrôle tout. C'est vraiment le cas de le dire. Donc, malgré tout, il faut quand même voir les choses de la bonne nouvelle, comme j'avais dit dans une émission passée. Il faut quand même remercier ces événements-là. Il faut quand même les recevoir dans le sens où c'est quand même des événements qui font en sorte que les gens prennent conscience de la réalité, s'ouvrent les yeux. Ça déchire le voile sur les mensonges et les illusions. Et puis, on voit vraiment que toute cette histoire-là, cette attaque sur la flottille de la liberté, a permis de faire en sorte que le monde entier a pu prendre conscience de la cruauté d'Israël envers Gaza. C'est une cruauté inhumaine. Et puis, il va être temps que ça cesse. OK? C'est de quoi d'important. Il va falloir appliquer la loi de façon uniforme à tout le monde. Vous savez, Israël est même membre des Nations Unies. Puis avec ça veut dire que les pays qui sont membres doivent accepter les conventions de Genève. Et puis, Israël doit se plier aux conventions de Genève. Elle n'est pas au-dessus de ces conventions-là. Les conventions de Genève interdisent la punition collective des populations et déclarent ceci comme étant un crime de guerre. Okay? Le blocus israélien interdit la nourriture, la médecine, les médicaments, des matériaux non militaires. On parle des matériaux de construction et toutes sortes d'affaires comme ça qui sont rendus illégales, OK? C'est-à-dire que ce blocus-là, empêcher ces items-là d'entrer à Gaza, c'est illégal sous la loi internationale. Et puis, une attaque sur une flottille, sur des bateaux qui transportent de tels matériaux est un acte de guerre et de piraterie, OK? C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, Israël devait être traité comme tel. Ainsi donc, chers auditeurs, la question qu'on en vient à se poser, et puis c'était le titre de mon article dont je l'ai proposé, c'est quelle est la priorité? Est-ce que c'est une guerre contre l'Iran ou c'est une guerre contre l'Israël? Et c'est le titre d'un article que je vous invite à trouver sur l'Essai du Québec et sans papier, aussi les Nouvelles internationales, si vous ne l'avez pas déjà lu, où j'énonce les faits les plus importants à connaître dans ce dossier-là pour ne pas se faire avoir par les manipulations et les mensonges encore, le même type de mensonges qu'on s'était fait servir avant le début de la deuxième guerre contre l'Irak en 2003. On a appris que le mois dernier, l'Iran a commencé à enrichir de l'uranium à sa nouvelle centrale nucléaire à Bushehr, construite en coopération avec la Russie. Israël s'est aussitôt dépêché à déclarer que la situation du réacteur nucléaire est totalement inacceptable. Après que les États-Unis aient confirmé que le réacteur nucléaire iranien ne présentait aucun risque de prolifération, le ministre israélien des Affaires étrangères a tout de même soutenu publiquement que l'Iran violait de façon flagrante les résolutions de l'ONU, les décisions de l'Agence internationale de l'énergie atomique et que donc elle devrait ne pas profiter des fruits de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Pourtant, l'Iran a signé le traité sur la non-prolifération nucléaire et admet les inspecteurs sur ses installations, alors qu'Israël, qui est largement reconnu pour être la seule puissance nucléaire militaire du Moyen-Orient, refuse non seulement de signer le traité, mais aussi de permettre toute inspection internationale de ses centrales nucléaires, et ce, jusqu'à tout récemment. Si Israël se permet d'accuser l'Iran de flagrante violation des résolutions de l'ONU, qu'en est-il de l'impunité hypocrite de l'État d'Israël? Et puis, dans l'article, je vous laisse ici une liste incroyable. La source est Le Monde. Diplomatique. Alors, c'est pas une source là, vraiment là, à prendre à la légère. Le monde diplomatique, si vous connaissez, là, c'est quand même assez solide. Et vous avez une liste des résolutions de l'ONU qui ont été complètement ignorées et rejetées par Israël. Des résolutions de l'ONU, il y en a une liste incroyable. Il y en a au-dessus de 100. On appelle ça un mépris du droit. Entre 1947 et 2009, une impunité qui perdure sans cesse. Et puis là, je ne les nommerai pas, là, vous en avez une liste incroyable. Et puis en fin de liste, vous avez même d'autres liens pour aller en trouver d'autres. OK? Alors, vous allez voir que des résolutions de l'ONU qu'Israël ne respecte pas, il y en a des dizaines et des dizaines, au-dessus même d'une centaine. Alors, qui ne respecte pas les résolutions de l'ONU? Alors, je me demande, c'est tellement effronté de la part d'Israël de dire des affaires comme ça sur la place publique, je veux dire, d'accuser l'Iran de ne pas respecter les résolutions de l'ONU. Mon Dieu, commence par respecter les résolutions toi-même, puis après ça, tu pourras peut-être accuser les autres, tu sais. Peut-être, tu pourras peut-être vouloir t'imposer comme étant un policier moral, mais là, arrête la police morale, là, OK? Le comportement voyou de cet État voyou combiné au fait qu'Israël possède un des plus importants arsenaux nucléaires du monde, ne fait-il pas d'Israël une menace nucléaire globale encore plus inquiétante que le programme nucléaire civil de l'Iran? Si une guerre est pour être lancée contre l'Iran basée sur des accusations sans fondement de vouloir apparemment développer des armes nucléaires, dit-on, ne faudrait-il pas alors lancer une guerre immédiatement contre Israël aussi? La question se pose, c'est quoi la priorité? Une guerre contre l'Iran ou une guerre contre Israël? OK, alors moi je vous quitte là-dessus. C'était François Mangenat pour L'Autre Monde. Portez-vous bien. Ciao la gang, bye!